Samson fut choisi du bon Dieu pour servir la cause des Hébreux et débarrasser le pays des Philistins, leurs ennemis. À chaque fois qu'ils essayaient par la ruse de le capturer, ses muscles durs comme l'acier résister à tous les dangers. Quel pouvoir a-t-on ce garçon, cet irrésistible champion, capable d'une seule main d'assommer 15 fantassins. La force de Samson est dans ses cheveux longs. Ne le répétez pas ou bien ça le perdra. La force de Samson que Dieu lui a donnée tient dans ses cheveux longs qu'il n'a jamais coupés. On envoya pour le séduire une fille nommée Dalila pour essayer de lui faire dire la raison de tous ses exploits. Enivrée de douces caresses, de tant de charme et de tendresse, Samson tomba vite amoureux et lui parla de ses cheveux. Alors qu'il était endormi, la belle à grands coups de ciseaux fit tomber sans bruit la magie en mèches brunes sur les carreaux. La force de Samson est dans ses cheveux longs. Emparez-vous de lui, son règne est bien fini. La force de Samson tient dans ses cheveux longs et le voilà mouton, doux comme un nourrisson. Samson a trahi sa mission et il demande à Dieu pardon. Aveugle au fond de sa prison, la vengeance devient sa raison. Une année entre quatre murs, une nouvelle chevelure, et on expose ce pantin au grand banquet des Philistins. Couvert de chaînes, souillé d'injures, de la grâce de Dieu il est sûr. Et entre deux piliers de pierre, il tend les bras dans la lumière. La force de Samson est dans ses cheveux longs. Les colonnes et les murs se couvrent de fissures. La force lui revient à force de chagrin, et la salle s'écroule sur Samson et la foule. La force de Samson que Dieu lui a donnée, c'est la foi, la passion, ne jamais renoncer. La force de Samson que Dieu lui a donnée, c'est la foi, la passion, ne jamais renoncer.